tête. Je lâche tout. Pourtant impossible, inaudible, je crie, j'aurai mes impressions, mes sentiments. Depuis la création des instruments, mes chansons qui parlent avec le cœur, ma fleur m'a protégé. Comment te dire je t'aime sans que freine et m'enchaîne mes relations? Alors c'est trahison, leur opinion qui vaut pas un oignon. C'est con, mais c'est comme ça. Le regard des autres en noir, je m'efface pour me faire oublier, mais je dois recommencer. Faut que je vive avec si je veux être heureux et que le plus loin possible notre amour soit paisible. On place tout. L'absence d'un père trop souvent évoqué. À mes côtés, j'ai trop d'amis brisés. Alors je me dis que je suis chanceux, que j'ai pas le droit d'être malheureux. C'est inquiétant, en plus le temps se manie. Mais faut juste vivre l'instant présent, sans testament, plus sous ceci et de rien. Sans du monde créer des liens pour échanger. Il doit se débloquer et ouvrir son esprit qui sera le fruit de la liberté. Tant de fois acclamé, mais pas assez respecté. Faut que lâche tout. Problème à résoudre, trop de questions à se poser, trop de réponses sur comme la foudre, on n'a pas trop la vérité. Éviter, inviter vers un voyage inconnu, c'est la vie d'aujourd'hui, loin du paradis. Me lever tous les matins pour aller bosser, mais rapporter que le pain de Jésus, tant de fois t'as prié, ça t'a rien apporté. Alors pourquoi continuer à alimenter les temps en crise? Si je sais que t'étais, mais là tu t'es fait niquer, manipulé, on n'est plus jamais indépendant de quel monde, de club, de télé, c'est navrant. Mais comment faire pour se libérer? C'est peut-être trop tard ou alors c'est pas assez tôt. Ma vie, c'est journée, soirée entre potes. Nique les codes, vous êtes actifs. Avec de liberté, mais je garde ma hotte. J'ai encore des secrets cachés à dévoiler. Je vais me confier, accepter les conseils venant de mon amour actuel. Peut-être éternel.